África, Oceanía, Europa y América. Bienvenido a las montañas del sudeste mexicano. FPP, c'est la jungle des luttes. Merci de nous écouter, donc comme tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30. Et on est également rediffusé le quatrième jeudi du mois, mais le matin cette fois, de 8h à 9h30. Et vous pouvez également consulter le blog La Jungle des Luttes, sur laquelle il y a toutes nos émissions, ou quasiment en tous les cas. Et donc, bonne année de lutte et de résistance. On espère qu'on va pouvoir semer de belles graines cette année, tous ensemble, en commun, comme nous le proposent les apatistes depuis 30 ans, puisque vous vous rappelez, on en a régulièrement parlé, le 1er janvier 1994, les apatistes se soulevaient, déclaraient la guerre à l'État, aux riches, au système, et luttaient, et donc ça a été un long chemin, on en a parlé pour ceux qui étaient là ce week-end, vendredi à la AERI, et on remercie la AERI de nous avoir accueillis d'ailleurs, et à tous ceux qui ont participé à cette journée, et également hier au collectif Contre-Culture avec qui on a fait un concert avec un soutien spécifique pour les prisonniers politiques, mais ça a été aussi l'occasion de reparler aussi des apatistes et de la situation. Et donc justement hier on était au CICP, et c'est justement ce dont on va parler, ou plutôt pas. On va plutôt vous proposer d'écouter la discussion qu'on a eue hier. Et puis il y a aussi tout le monde essaye de se bouger dans ce monde, dans ce chaos violent, et donc du coup il y a des personnes qui sont passées hier qui nous ont laissé ce petit papier que je vais vous lire juste pour commencer l'année, même s'il y a des manières peut-être qu'on ne partage pas, mais je vous lis. Que crève la tôle et les frontières. Élaborons une stratégie internationaliste. Suite à une première réunion publique, nous avons décidé de nous constituer en groupe informel d'anarchistes et anti-autoritaires, car nous avons dans la situation actuelle un besoin nécessaire de s'organiser, d'attaquer le colonialisme sous toutes ses formes et ne perdant jamais de vue l'idéal révolutionnaire. Les manifestations trop routinières épuisent une colère légitime qui doit s'exprimer de manière violente et radicale contre le génocide en cours. Nous voulons déborder ces cadres trop organisés pour arriver à nous auto-organiser de manière concrète en soutien aux luttes palestiniennes. Nous refusons la voie légaliste des associations autoproclamées porte-parole de la Palestine et leur logique cherchant à faire pression sur les gouvernements pour faire reculer Israël. L'État ne reculera pas et nous assumons la conflictualité avec celui-ci. Nous avons l'intention de mettre en déroute l'appareil colonial et le capitalisme sans dépendre d'un agenda politique, syndical ou gouvernemental. Le vote récent de la loi immigration nous montre bien qu'il est important de s'organiser sur ce front aussi, car c'est une loi avec un discours profondément colonial qui restreint encore plus les sans-papiers dans leur mouvement et dans leur vie. Il est donc important de lutter sur ces deux fronts pour la libération de la Palestine et pour le retrait de la loi immigration. La loi immigration n'est qu'une intensification de ce contre quoi nous nous organisons au quotidien, un État raciste aux racines coloniales qui infuse toutes ses lois et gouvernements. Au-delà de la loi immigration, nous agissons pour la destruction de tous les États et leurs frontières. Nous vous convions donc à un café internationaliste le 24 janvier pour échanger sur les luttes en cours en France et dans le reste du monde, et discuter des différentes stratégies et moyens d'action utilisables dans celle-ci. N'hésitez pas à venir avec des éventuelles brochures ou textes, notamment autour de luttes en cours à l'international, et avec de quoi grignoter ensemble. Si tu veux connaître le lieu ou l'heure, envoie un mail ici, internacia@protonmail.com. Donc voilà, du coup, tout le monde essaye de se mobiliser. Il faut effectivement essayer de créer un front, chacun son mode. Et donc, on va faire une petite pause musicale avant d'être ensemble pour écouter la discussion d'hier au CITP. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario: pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato, pa' que agilice el contrato, dele coima al enemigo, cianuro dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. ¡Sáquenme pa' culo! ¡Sáquenmelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente, y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esta melodía, que se aprendan los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo, y ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. Que los mantenga patria, que los mantenga su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria. ¿Cuántas cabecitas ya se hizo? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar. 106.3 FPP, c'est la jungle des luttes, et donc on continue avec notre enregistrement d'hier. C'est parti. Ou presque. Une présentation un peu globale de la situation des prisonniers politiques. Il y a Dosso Tchipren de Flores Magón, qui est dans un état dans l'état de Oaxaca, qui est un état du sud, centre du Mexique. Du coup, il y a ces prisonniers politiques qui aujourd'hui sont au nombre de... T'as réussi à voir combien de prisonniers ils étaient là en ce moment, parce que ça a changé, il y a des gens qui sont sortis il n'y a pas longtemps et d'autres gens qui se sont fait attraper il n'y a pas longtemps aussi. En fait, c'était pour resituer à des personnes qui connaissent peut-être un peu cette histoire, ou qui ont pu rencontrer Miguel, qui est un compas qui a été présent ici, qui était intervenu pour la journée de solidarité avec les prisonniers politiques en avril au CICP l'année dernière, ou il y a 2 ans. Voilà, mais il y a d'autres gens qui ne connaissent pas du tout. Du coup, c'était... Enfin, dans toute la situation, dans toutes les histoires de répression au Mexique, d'ailleurs, voilà, il y a des histoires qui nous touchent plus parce que c'est des gens qu'on a connus, etc. Et là, du coup, on voulait parler dans toutes ces histoires de répression, de la répression qu'il y a eu dans un village... qui est lié à l'histoire de Flores Magón. Flores Magón, c'est la personne que vous voyez là, qui est connue parce que c'était l'un des grandes figures anarchistes de la Révolution mexicaine. Et du coup, il est né dans une communauté, dans l'état de Oaxaca, dans une zone indienne. Et ça a été dans cette communauté aussi, bah, y a toujours l'héritage, quoi, de cette pensée aussi libertaire, cette pensée anarchiste et en même temps indienne. Et donc, voilà, dans cette communauté, il y a toujours eu des luttes politiques, comme dans beaucoup d'autres endroits du Mexique, notamment pour que ce soit les formes d'assemblée, les us et coutumes, que ce ne soit pas les partis politiques qui dirigent. Que ce ne soit pas les mêmes caciques de toujours qui contrôlent la politique, les mêmes patrons. Et dans ce processus-là, dans les années 90, bon, dans toute cette région de Oaxaca, il y a eu aussi la solidarité, il y a eu toute une lutte des gens, c'était en même temps que le soulèvement zapatiste au Chiapas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment il y a eu le centenaire de la naissance de Ricardo Flores Magón en 1997 ou 1998, où il y avait tout le mouvement libertaire, plein d'organisations internationales, les anarchistes du Mexique qui s'étaient donné rendez-vous sur place. Donc tout ça, ça fait une génération aussi de jeunes sur place qui étaient très politisés. Et du coup, depuis 2013-2014, il y a eu des offensives dans la région pour installer les partis politiques. Il y a pas mal d'endroits qui se contrôlent encore par Russie et Coutume, ça veut dire que c'est des assemblées où il n'y a pas de parti politique. Les gens ils vont décider à main levée qui va être dans la prochaine équipe municipale, mais tout le monde est pris en compte. Quoi. Je ne sais pas comment dire. C'est des formes vraiment plus d'assemblées directes avec 500, 600, 800, 1000 personnes qui se rassemblent sur la place centrale et qui vont décider des personnes. Dans cet endroit de Oaxaca, comme dans pas mal d'autres endroits au Mexique, quand les partis politiques y sont arrivés, ils ont commencé à arriver avec les t-shirts, la répartition de sacs de plastique, de sacs en plastique avec leur effigie, avec à l'intérieur de quoi manger, des achats de votes en fait. Quoi. Et donc il y a tout ça qui est arrivé en 2013-2014 de manière très brutale. Et donc les gens ils ont essayé de s'opposer à ça, à l'achat des votes qui avait permis à une personne d'un parti politique de prendre le contrôle de la communauté. Et donc suite à ça, il y a eu pas mal de répression. Et il y a des gens qui se sont retrouvés en prison. Et voilà, c'est un peu cette histoire-là que nous, on a été amenés à rencontrer des gens où on navigue entre la France et le Mexique depuis longtemps, que ce soit au collectif de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, que ce soit ailleurs en France. Ça fait partie un peu des compas qu'on a au Mexique. Et la situation, là, depuis 2014, elle est que, suite à, justement, à des affrontements qu'il y a eu sur place contre ces partis politiques-là, il y a sept personnes aujourd'hui qui se retrouvent en prison. Il y a une quinzaine de personnes qui sont recherchées depuis maintenant 2014. Il y a quelques personnes qui ont été libérées, mais il y a encore plein de gens qui doivent se cacher. Et voilà. Je sais pas si c'est... Des fois, c'est compliqué de parler d'histoires, des fois qu'on connaît. Qu'on connaît de proche, je sais pas, peut-être que c'est difficile de resituer, peut-être par rapport à la vision que vous avez du Mexique, et puis des fois, nous, c'était... Du coup, ouais, c'était... Je vais ajouter un truc sur ce que tu as dit, qui est hyper important, en fait, c'est un moment de restructuration sociale et politique dans ce territoire-là, quoi, en fait. C'est quand le parti arrive, il n'est pas mauvais parce qu'il est parti en lui-même, mais parce qu'il change en fait le système social, qui est de un moment où il y a des élections, il y avait déjà des élections avant que les partis arrivent, mais en fait il y avait des accords pour dire bon bah chaque position, qu'il y ait une pluralité dans l'organisation politique, ceux qui détiennent le pouvoir dans la communauté en fait. Celui qui gagnait était à la tête du pouvoir, mais la communauté mettait en place les autres. Les autres cadres administratifs, en fait, plus ou moins. Enfin, c'est un peu occidentalisé ce que je dis, mais bref. Et du coup, c'est ça que le parti vient remettre en cause. Il vient mettre en cause, en gros, il met en place une hégémonie politique. Et c'est ça que les gens combattent à ce moment-là, si j'ai bien compris. Et du coup, c'est ça qui crée le conflit. C'est comment une institution de l'extérieur qui va s'ancrer avec les gens qui viennent de cette même communauté, qui vont créer une forme de... Enfin, qui vont acheter les gens, quoi. Qui vont acheter les gens et du coup, qui vont acheter un contrôle sur un territoire. Mais ce territoire, il est aussi relié à l'État de Oaxaca, avec son pouvoir politique. Et aujourd'hui, on voit que le pouvoir politique a changé. Il y a une soi-disant gauche qui est arrivée au pouvoir, avec pas mal de choses un peu, un peu de controverses, d'une gauche mexicaine qui soutient, qui est plutôt une gauche des villes, de ce que je comprends, et qui comprend pas trop ce qui se passe dans les zones plus rurales où il y a vraiment de la spoliation, etc. Et du coup, c'est ces personnes-là qui sont au pouvoir et qui ont mis, qui sont à l'instigation de des poursuites contre les gens qui sont prisonniers politiques aujourd'hui, sont reliés à ce pouvoir-là et utilisent ce pouvoir de manière au niveau de l'État, et enfin de l'État, parce que l'État de Oaxaca, parce que le Mexique est un État fédéral, du coup au niveau de l'État fédéral, mais aussi au niveau de la Cour de justice nationale, enfin de l'État fédéral, quoi. Je me suis un peu perdu. Ouais, du coup, pour situer, ben nous, là, la proposition du collectif Contre-Culture, et c'est ça qui nous fait plaisir, parce que, enfin, voilà, on essaie de voir comment on peut aider avec nos propres moyens, justement, les gens qu'on connaît là-bas, qui ont été victimes de cette répression, notamment Miguel, qui est un camarade qui a notre âge. Et enfin, moi, que personnellement, j'ai connu quand je vivais à Mexico, parce que ça faisait partie de un peu des cercles libertaires, enfin des milieux libertaires, voilà, anarchistes de la fac là-bas, et notamment de la faculté d'anthropologie. Et lui, là-bas, dans le milieu un peu anarch et tout, il a toujours tenu à faire connaître un peu la situation chez lui, dans sa communauté. Ensuite, son père, il s'est retrouvé en prison, donc on faisait des fêtes de soutien pour la libération de son père. Et ensuite, en 2014, quand le conflit sur place a pris une ampleur énorme, avec une répression énorme, ils se sont retrouvés 40-50 personnes avec des ordres d'arrestation, 7 personnes mises en prison, qui n'ont toujours pas eu leur procès depuis. C'est-à-dire, c'était en 2014, là on est en 2024. Donc il y a des gens là qui sont... Enfin, du coup, ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'attente de leur procès. Et Miguel et d'autres, à ce moment-là, qui ont conduit s'enfuir parce qu'ils étaient parmi les personnes recherchées. Il y avait 35 ou 40 personnes recherchées pour un conflit. À un moment donné, sur place, il y a eu un conflit entre des centaines de personnes, et dans ce conflit-là, il y a le fils du président municipal qui est mort, qui a été lynché par la foule. Et donc les gens ont essayé de l'amener à l'hôpital, il est mort, et suite à ça, il y a eu 40 ordres d'arrestation. Et donc depuis, ils sont plus d'une quarantaine de personnes qui sont recherchées pour ce conflit. Et en gros, il y a eu tous les opposants politiques un peu à l'ancien président municipal qui ont été accusés et du coup qui sont obligés de fuir, quoi. Qui ne peuvent plus s'organiser, qui ne peuvent plus se réunir. Et donc depuis 2014, il y a toute cette lutte, ne serait-ce que pour pouvoir avoir obligé à ce que les témoins adverses se présentent, que pouvoir... aller à la Cour suprême de justice, pouvoir ne serait-ce qu'aider les familles à voir leurs proches qui sont incarcérés sans procès depuis 10 ans. Voilà, il y a toutes ces luttes sur place, et puis du coup il y a cette solidarité un peu, que ce soit au Mexique, au niveau international, aussi du milieu libertaire, notamment aux États-Unis, pour essayer de sortir, d'aider les compasses sur place, et voilà, et ça fait partie des milliers de luttes pour la libération des prisonniers politiques au Mexique, et aussi de dénonciation du système carcéral, notamment dans toute la résistance qu'il y a eu là, aussi et de solidarité avec les compasses. Il y a eu aussi pas mal de gens qui sont dans du milieu anticarcéral mexicain qui ont été impliqués. Et c'était aussi bah, de dénoncer l'exploitation dans les prisons, comment vivent les prisonniers, comment ils sont exploités, notamment dans la prison où Miguel il était. Ça veut dire on les oblige à faire de l'artisanat toute la journée et ils sont payés en drogue ou ils sont payés voilà, il y a deux patrons, il y a qui amène toute la matière première à l'intérieur, le directeur de la prison qui prend ses 20%, il y a toute la mafia qui voilà, du coup c'est un peu ces collectifs là, c'est cette lutte là qu'on essaie de qu'on tient à faire connaître. Là il y a quelques dépliants triptyques là qui sont sur les chaises et qui sont là-bas qui parlent de cette histoire. Il y a une interview aussi qu'on a traduite avec Miguel où il raconte mieux et plus en détail un peu toute cette histoire. Il y a des choses qu'on a faites puis que, voilà, s'il y a des gens qui veulent aider à faire enfin à faire connaître cette lutte ou voilà voir comment on peut plus en parler, bah voilà, on n'est pas beaucoup, mais on essaie de faire ce qu'on peut à notre niveau, quoi. Ouais, du coup, il y a une initiative aussi qui est assez centrale dans cette lutte. C'est une occupation qui est à côté d'un tribunal, je ne sais plus exactement lequel, à Mexico, et en fait, qui permet de relier déjà les différents collectifs qu'il y a à Mexico, mais aussi les gens qui du quartier. Par exemple, moi, quand j'y étais, il y avait des gens de la paroisse d'à côté, en fait, qui venaient faire des chants religieux avec eux. Et petit à petit, en fait, parce que c'est pas tout le monde n'est pas, je sais pas, je vais dire, d'obédience anarchiste, il y a aussi des gens qui sont proches de la théologie de la libération, ce genre de choses, comme si on avait des milliers, enfin, mais bon, bref. Et du coup, en fait, ça a permis que, bah, par exemple, les gens de ce quartier-là, et particulièrement de cette paroisse-là, commence à faire aussi de l'artisanat, des savons, des choses comme ça, qui peuvent être vendus sur le lieu d'occupation. Le lieu d'occupation, c'est des tentes, des bâches, etc., qui donnent sur la rue, qui permet aux gens de s'arrêter, discuter, parfois manger, d'avoir des informations sur le truc, et d'acheter ces différents trucs d'artisanat pour pouvoir financer les avocats. Et aussi un truc qui est important, c'est que par rapport au financement et comment est fixée cette occupation, c'est qu'en fait les gens ils tournent, vu que c'est majoritairement des paysans, en fait il y a un aller-retour entre Oaxaca et Mexico pour aller faire les semées, enfin les comment dire, quand on sème. Les semis, pardon. Et la récolte, etc. Et du coup, selon les saisons, ça change. Et voilà, c'est un peu une partie des temporalités qui peut se passer là-dessus. Ça permet de rencontrer aussi des gens qui sont de passage à Mexico, comme nous, par exemple. Et puis, il me semble qu'il y a un groupe d'autodéfense qui s'est créé aussi récemment, il me semble que c'est justement pour... parce qu'il continue d'y avoir des violences et de la répression sur le lieu même, ça se passe pas que en prison. Puis voilà, et oui, il n'y a pas de collectif constitué, en tout cas de notre part, ici à Paris ou en France, ça peut-être se faire, ça dépend aussi des énergies qui arrivent, qui on va discuter, etc. Mais pour l'instant, voilà, c'est une des premières initiatives. C'est pas la première, mais c'est une des premières. Alors, on espère que ça va continuer. C'est en 6.3 FPP, on fait une petite pause musicale et on reviendra avec cette discussion donc, qui a eu lieu hier au CICP à l'occasion d'un concert organisé par le collectif Contre Culture, et donc sachant que l'objectif c'était de récupérer des sous pour soutenir les prisonniers politiques et notamment un compas qui donc justement lui a dû s'exiler. On fait la petite pause musicale, 106.3 FPP. al calor de una cerveza voy bebiendo mi ciudad al compás de la noche observando a mi gente, la pobreza de la raza, mucha prostitución, drogas y extorsión por las calles, niños sucios, hambrientos, queriendo saltar hasta llegar el momento, ese momento, el que nunca llegará. Sin final, muerte diaria animal, suelo pisado, aplastado por la brisa diaria, por el hambre derramada, se cobija de humanidad. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia en el campo, resistencia en la ciudad, y la sangre se derrama, por allá, por acá. De hambre, México arde y son las grietas de unos tiempos que van. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia, no dejen de gritar, resistencia. En la acera de enfrente, un indigente quiere vivir, saltar, cantar, comer, gozar, como tú, como yo, como cualquiera, como mi gato que viene y va, viene y va. Y seguimos resistiendo, ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. No necesitamos permiso de nadie, mucho menos de unos políticos que solo están para engañar a la gente y robar dinero. Mis cigarros se consumen, necesito más tabaco. Mi cabeza no entiende lo que ve girar. Mira, estoy perdida, enloquecida de tanto buscar y no encontrar respuestas, salidas, alguna señal en mi camino. ¿Cuál es la solución? Disolución, ilusión de un sueño que nunca llegará. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Ellos son los que chican la nación, los que no entienden y no escuchan este son. Ellos son, no somos uno, ni somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Point 3 FPP, c'est la jungle des luttes. On continue avec la discussion enregistrée hier. Ils prennent position des territoires, enfin des, je sais pas. En fait, c'est un peu le drame du Mexique depuis, on va dire, une vingtaine d'années, plus ou moins, enfin, depuis 2006-2008, et la guerre contre le narcotrafic, enfin, ce qu'ils ont appelé la guerre contre le narcotrafic, qui en général sont plus, comment dire, des militarisations de zones pour juste... Enfin, en gros, il y a tout un bordel au Mexique du pouvoir politique qui se mélange avec un pouvoir économique du narcotrafiquant et des changements à l'intérieur de l'Amérique latine en fait sur le trafic de drogue et le déplacement de la production et du passage de drogue en fait. Et il y a eu un grand déplacement vers l'Amérique centrale, Salvador, Guatemala, Mexique, vers 2006-2008. Et le pouvoir politique en place qui, c'était c'était Fox à ce moment-là, je crois. Fox, c'était longtemps, c'est Peña Nieto, je crois, qu'à Capricorne. Et après, c'est Peña Nieto. Enfin, bon, en gros, les partis sont en général ralliés avec... Il y a une espèce d'hybridation entre le parti politique et les cartels, en fait. Enfin, en gros, le pouvoir politique est pris par les cartels. Enfin, il y a une espèce d'échange et de mélange là-dedans. Et après, c'est selon les régions, en fait, ça change sur quel cartel, en fait, va avoir plus ou moins de pouvoir. Là moi, sur Oaxaca, je ne sais pas trop... Sur le Mexique en entier, il y a deux cartels principaux, mais avec des sous-cartels qui sont à leur botte, en fait. Il me semble qu'il y a de Nueva Generación de Jalisco, c'est Jalisco, je pense. Ouais. Et l'autre, c'est... c'est Sinaloa ou c'est les mecs de... Ouais, Sinaloa. Enfin bon, il y en a plein. Et oui, il y a un réel problème là-dedans parce qu'en fait, c'est les cartels et les narcotrafiquants il y a le niveau de l'État, mais il y a aussi au niveau de la population. C'est très ancré. L'économie des cartels est très ancrée dans l'économie et la vie sociale des gens. Du coup, c'est là où il y a un drame énorme, c'est qu'en fait, ça détruit. L'essence même des structures sociales, quoi. Par une industrie qui est un capitalisme ultra morbide, avec des centaines de milliers de disparitions, on a des centaines de milliers de morts. Et du coup, les gens qui sont en lutte, qui sont pour soit pour la préservation des égalités sociales qui existent dans leur communauté, soit pour. Une libération, une décolonisation, même on peut dire, même si c'est pas tout à fait. Enfin, selon les endroits dans le Mexique, c'est pas forcément très judicieux d'utiliser ce terme-là, parce que par exemple, les zapatistes, ils se décolonisent pas, ils sont déjà décolonisés. Après, les gens, c'est des régions paysannes, quoi, c'est des régions enclavées, c'est des régions paysannes, les gens, ils sont pauvres, c'est le café, enfin, oui, voilà, pour vous imaginer, c'est des régions. La Mazateca, c'est plutôt cette partie-là, c'est une région plutôt humide où la plupart des gens ils cultivent du maïs sur des pentes qui font 45 degrés et puis ils ont des champs de café, quoi. Et ils sont pauvres, quoi. Du coup, la plupart ils vont travailler dans les usines de textiles de Puebla qui sont dans les vallées en bas parce qu'ils sont vraiment. Il y a une route qui traverse et tous les villages ils sont extrêmement enclavés, quoi. Il faut mettre 6 heures pour aller à l'hôpital, petite route de campagne. C'est 200 000 personnes qui parlent leur langue. Enfin, c'est un peu comme c'est des zones très indiennes et très enclavées. Donc après, c'est sûr que des fois, il y a des. Les gens, ils vont faire pousser de la marijuana. Mais ils sont exploités en fait, ils sont exploités par les. Pareil que pour le café, c'est-à-dire pour le café, il y a les acheteurs de café, pour la marijuana, c'est ceux qui viennent avec les camionnettes et qui rançonnent tout le monde. Donc c'est juste des commerçants armés, mais voilà. Je serais juste tenté de dire qu'au Chiapas, c'est aussi la question du trafic des migrants, puisque c'est à la frontière. Non, mais c'était un peu pour dire ce que disait Virginie, là, en fait. Ce dont tu parles, c'est dernièrement. Enfin, ça fait des années, comme tu l'as dit, qu'il y a des groupes de narcos dans tout le Mexique, avec des régions plus particulièrement que d'autres. Mais effectivement, dans les zones indiennes, les zones les plus pauvres, puisque c'est là où on recrute, où on fait. C'est aussi dans les zones les plus sauvages que tu peux faire les labos pour transformer la drogue, etc., etc. Effectivement, il y a beaucoup d'arrestations, enfin, il y a beaucoup de disparitions, parce qu'en fait, les narcos, ils font disparaître les gens parce que qui s'en servent comme esclaves dans les endroits où ils transportent la drogue, ou alors comme esclaves, y compris des médecins, y compris des gens qui ont des hauts niveaux de compétences qui sont enlevés parce que tous ces gens, il faut quand même les soigner pour qu'ils durent un peu plus que 3 ans ou qu'ils durent 3 ans. Et donc, il y a tout un trafic qui est comme ça. Et donc, ce dont tu parles, c'est récemment, jusqu'à présent, au Chiapas, il n'y avait pas de narcotrafiquants parce que peut-être l'armée zapatiste, parce que si, parce que ça. Et dernièrement, en fait, le cartel de Jalisco et le cartel de Sinaloa se disputent le Chiapas. Ils sont sur le Chiapas. Et effectivement, ce que disait Virginie, ce qui les intéresse, la chose la plus rentable pour les narcotrafiquants, c'est le trafic de personnes. Parce qu'en fait, c'est ça dont ils ont besoin dans leur laboratoire. Ils ont besoin de gens. Donc, ils font disparaître des quarts entiers de migrants qui passent là. Et puis pas que. Et là, effectivement, la situation au Chiapas, elle est très grave parce qu'ils ont pris les villes, surtout celles qui sont à la frontière du Guatemala. Et où là, ils obligent les gens à travailler pour eux ou à les soutenir ou à venir à tout pour dire. Il y a eu des images qui sont passées au mois de décembre qui étaient incroyables, où on voyait des convois de narcotrafiquants avec des armes de haut calibre, avec des mitraillettes, qui passaient comme ça, sous les applaudissements de la foule. Et des villes entières, comme Tapachula, comme des villes comme ça, qui sont complètement... où les gens, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Alors, il faut qu'ils disent qu'ils sont avec les narcos. Les narcos, ils obligent à faire quelque chose. Ça, c'est la situation. Ça, ce dont tu as entendu parler, je pense, et il y a eu un reportage sur Mediapart il y a pas longtemps, hein, ça parle de ça. Ça parle de cette situation qui, effectivement, est récente. Parce que jusqu'à présent, ça passe, c'était comme ça. Après, pour réagir sur les prisonniers, évidemment, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment un narco-État qui est au Mexique. C'est pas simplement que... Enfin, en fait, parce qu'en fait, tous ces groupes, tous ces micro-gouvernements régionaux, en fait, ils ont des liens avec les narcos, et pas seulement eux, l'armée, la police, ce qui fait qu'en fait, plus ils développent, plus il y a des... Donc, ils se servent de toute cette... Le gouvernement mexicain, il se sert de toute cette situation, d'une part, pour répandre des militaires partout. Quand les militaires arrivent, ça fait augmenter le nombre de disparitions, et ça n'arrange rien sur le trafic, au contraire, parce qu'ils sont mêlés jusqu'au cou là-dedans. Et les prisonniers politiques, eh ben, c'est pareil. Les gens qui s'opposent à eux, eh ben, ils sont enfermés. Et le gouvernement local donne raison aux narcotrafiquants ou alors aux paramilitaires. Ils donnent raison aux agresseurs. Et c'est comme ça que des gens comme Miguel se font enfermer. Enfin, comme Miguel et Jean Flores Magot, c'est aussi comme ça qu'ils se font enfermer. Enfin, tous, plus ou moins, c'est le même schéma. Enfin, c'est un schéma pareil, quoi. C'est-à-dire, tout ce qui s'oppose, eh ben, on le met en prison, on trouve... La partie juridique va durer des années, 10 ans, 20 ans, etc. Pendant ce temps, ils seront enfermés, même si au bout du compte, peut-être on va les libérer, mais de toute façon, c'est des trucs hallucinants. C'est des gens qui sont séquestrés, par exemple, par les narcos, enfin, ou par les paramilitaires au Chiapas, et qui se retrouvent en prison, alors que c'est eux qui ont été séquestrés. Bon, voilà. Enfin, c'était pour... Récemment, on a entendu parler du cas d'un avion rempli d'Indiens qui s'est retrouvé coincé quelque part en mer qui allait en Nicaragua. Il y a des flux d'immigrants qui viennent de partout, qui vont en direction des États-Unis. Enfin, ceux qui ont la chance de ne pas se faire utiliser dans les laboratoires des narcotrafiquants, ils doivent payer. Il doit payer pour traverser les États-Unis. N'importe quelle activité économique, on va se dire, est une source de revenus potentielle pour les criminels qui gouvernent le Mexique, qui gouvernent légalement ou pas. Les migrants se font racketter quand ils ont de la chance, ou se font exploiter directement dans les laboratoires, ou dans les cas des femmes, et le vent dans les bordels. du coup, je voulais savoir, depuis les années 90, avec la naissance du mouvement zapatiste, au niveau social, quel est le constat aujourd'hui, près de 30 ans après, pour ne pas être contaminé par la grande graine capitaliste, aujourd'hui, comment ils ont réussi à s'organiser? Est-ce qu'on est vraiment dans l'autogestion au niveau social, donc santé, école, logement, travail, etc. Si ça n'a pas marché, pourquoi? C'est quoi qui empêche que ça avance? En fait, le Mexique, c'est comme ici, c'est-à-dire il y a une diversité gigantesque de situations, de luttes, de collectifs, de groupes. Là, par exemple, à Oaxaca, dans cette zone-là, voilà, les gens, les zapatistes, ils sont au Chiapas, les gens, ils sont dans leur communauté avec leur propre mode de résistance. Ça peut être la figure de Magón, tu vois, par exemple, qui a été plus importante que la figure de Zapata, même si, en fait, les zapatistes, ils étaient dans cette région aussi à l'époque de 1910. Mais voilà, il y a plein de formes différentes, il y a plein de débats aussi, il y a toute une très grande diversité de positions politiques, libertaires, anarchistes, de rencontres, aussi de réalités, de luttes singulières, les luttes des zapatistes, les luttes de Tila, les luttes de Oaxaca dans la Sierra Sur, les luttes des Yaquis, les luttes, les grandes luttes dans la ville aussi, les luttes contre Danone, par exemple. Enfin, c'est toute une constellation, je dirais. Et après, donc c'est difficile de faire un état des lieux, parce que suivant les endroits, suivant les processus de résistance, ils sont très très vastes et différents. La question d'affronter le narcotrafic, c'est une question qui est ancienne. C'est une question sur laquelle les gens ils s'organisent depuis longtemps. Il y a des communautés entières qui ont expulsé les narcos, qui ont dû monter leur structure d'autodéfense, leur garde communale, voilà, dans Michoacán, par exemple, il y a des communautés entières qui ont chassé des cartels jusqu'à aujourd'hui et qui maintiennent. Et ben, les zapatistes aussi, enfin, ça veut dire de leur manière aussi, ça veut dire il y a à la fois des situations qui sont très dures et à la fois il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui s'organisent pour la résistance. Ouais, je voulais juste dire sur la situation là, des zapatistes, ils ont un site qui s'appelle Enlace Zapatista, parce qu'il y a un grand changement en ce moment. Je pense que ça, je vais passer le micro aux copines du CSPCL qui vont avoir plus expertes là-dessus. Mais ça vaut le coup de lire les textes et lire les textes de changement et la vision qu'ils ont, soit du présent comme de l'avenir comme du passé. Et ça s'appelle Enlace Zapatista. En fait, les zapatistes, justement, comme on vient de le dire, effectivement, ils sont, après 30 ans, une somme d'expériences, et ils sont toujours annoncés comme on avance en marchant. Donc, en fait, ils ont marché, ils ont trébuché, ils sont tombés, ils se sont relevés, etc., etc. Et en fait, c'est peut-être l'un des mouvements qui a réussi à être vraiment autocritique et qui, du coup, a réussi à... dire on a merdé ou ça va pas ou on avait cru qu'on allait progresser mais on n'y arrive pas autant qu'on le voudrait. Donc ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils ont pris des terres et sur ces territoires ils sont autogouvernés à leur façon, avec donc des failles sur la question des femmes si on veut regarder de près, sur la question de l'éducation parce qu'on pourrait être plus exigeant, sur la question de la santé parce qu'on s'est pas encore abouti, parce qu'ils peuvent effectivement pas encore faire des opérations à cœur ouvert. Donc il y a tout un tas de choses qu'effectivement il peut leur manquer, mais le niveau social, si on veut parler comme ça là, pratiquement, ça a évolué. Les femmes sont allées à l'école, et de manière générale les enfants aussi, parce qu'il n'y avait pas que les femmes qui étaient privées d'école dans les communautés au Chiapas. Et donc il y a eu tout un tas de progrès sur leur capacité à pouvoir être maître de leur devenir. Et sur la question des femmes, c'est assez flagrant, même s'il y a encore des avancées à faire. Mais il y a aussi sur cette capacité à ne pas être corrompu par un système, par l'argent, et en fait, ou par la question du pouvoir, par la question de la responsabilité, de la question des charges. Et ce qui est assez phénoménal, c'est qu'on a tous entendu parler, pour ceux qui connaissent plus ou moins, en 2003, l'annonce des caracoles et des assemblées de bon gouvernement qui gouvernaient pour tous, et pas seulement les apatistes. Et donc, hormis l'éducation, tout était ouvert à toutes les personnes des communautés vivant au Chiapas ou sur des territoires où il y avait des apatistes. C'était seulement la question de l'éducation qui était fermée aux gens extérieurs. Donc là, aujourd'hui, ils ont remis tout à plat. Ils ont donc écrit des textes depuis le mois de novembre, et donc il y a une vingtaine de textes. Et dans ces vingtaines de textes, il y en a, c'est des vidéos, ça prend 3 minutes. Sinon, il y a des textes avec beaucoup d'informations et énormément de réflexions, et surtout cette capacité à dire qu'on a été, des êtres humains, comme ils l'ont dit depuis toujours, on n'est pas infaillible, et on n'a pas réussi ce qu'on s'était, entre guillemets, proposé, mais on va recommencer. Oui, donc je reviens, je ne vais pas redire ce qu'a dit Virginie, mais aussi par rapport à ce que tu disais, les apatistes, de toute façon, depuis très longtemps, on peut dire qu'ils ont été quand même... ça a galvanisé, en fait, les indigènes, les Indiens, pour dire, on est des Indiens, enfin on n'est pas des sous-hommes, quoi. Parce qu'en fait, ils étaient très dépréciés au Mexique. Et donc, depuis 1994, ça a été vraiment la fierté d'être indigène qui est montée là-bas. Et ce qui a fait que ça... C'est la création du sol. Et donc, ce qui a fait aussi que ça a galvanisé toutes les luttes les luttes dont on parle, je ne sais pas qu'elles n'existaient pas avant, mais tout ça, ça a redonné de la dignité à tous les indigènes. Il y a eu, et donc, dans l'histoire des apatistes, en fait, l'histoire des apatistes, c'est ça, c'est qu'ils ont dit, nous, on n'est pas en train de se battre pour nous, on est en train de se battre pour tous les Indiens. D'abord, ils ont commencé par dire ça. Ils ont fondé ce qu'on appelle le Congrès national indigène. Ça, c'était dès 1995. C'est-à-dire, vraiment, au début, c'est la commandante Ramona et quelqu'un qui est venu ici, qui s'appelait Juan Chavez, qui ont fondé le Congrès national indigène. Et donc, progressivement, ils ont rapproché leurs liens avec tous ceux dans les communautés indigènes au Mexique qui voulaient participer au Congrès national indigène. C'était quelque chose qui était extrêmement horizontal. Et donc, ils se sont de plus en plus resserrés autour des apatistes. Et maintenant, quand les apatistes signent un texte, en général, c'est signé les apatistes et le CNI, Congrès national indigène. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs phases dans les apatistes. Virginie, elle en a cité une qui était très importante. C'était les caracoles. C'était là où ils ont dit, on prend notre autonomie et on va s'autogouverner. Donc, c'est ça auquel tu faisais référence. Ça, depuis 2003, ça existe, ça fonctionne. Et ça s'est de plus en plus ouvert déjà au Congrès national indigène, aux indigènes, aux gens qui les connaissaient depuis longtemps. Et de plus en plus aussi, ils ont marqué aussi qu'en fait, eux, la lutte, elle les intéressait pas pour eux-mêmes, elle les intéressait pour le Mexique, elle les intéressait pour le monde. Il y a déjà une dizaine d'années, ils ont parlé, ils ont dit, attention, là, la terre, elle commence à trembler, la terre, elle est en colère, etc., etc. Enfin, ils ont fait l'expérience sur ces 30 ans. Ils ont fait l'expérience de leur autonomie, comme a dit Virginie. Ils sont extrêmement dans le tour critique. Donc, ils disent, ça marche, ça marche pas. Et dernièrement, ce qu'ils ont dit, c'est que, voilà, les juntas des buen gouverno et les caracoles, qui étaient l'endroit où on pouvait avoir le contact avec l'extérieur, qui était une façon de s'auto-gouverner et aussi de faire quelque chose qui était horizontal, finalement, il y a eu quand même des erreurs. Ils sont toujours dans l'autocritique. Il y a quand même des erreurs parce que ça ne va pas assez vite, ça remonte, ça redescend un peu déformé. Donc il faut tout remettre à plat, il faut faire autrement. Mais il faut aussi tout remettre à plat parce qu'en fait, leur perspective maintenant, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent attention. Nous, il y a 10 ans, on a dit la Terre, là, ça va mal. Mais là, aujourd'hui, on dit, on a donné 10 ans, mais ça va beaucoup plus vite que ça. Là, la Terre, c'est déjà fichu. Et donc si maintenant, on ne s'y met pas tous, c'est-à-dire nous, les indigènes du Mexique, mais vous, qui est là dans le monde, etc. Si on ne s'y met pas tous, eh ben ça marchera pas. Et si on ne s'y met pas tous, qu'on soit zapatiste ou pas zapatiste, qu'une petite fille, en fait, là ils parlent, ils disent, dans cette génération, nous ce qu'on cherche, si on se bat, c'est pour qu'une petite fille dans cette génération, elle puisse encore choisir la vie qu'elle veut avoir. On s'en fiche qu'elle soit zapatiste ou qu'elle pense autrement, c'est pas le problème. C'est le problème de la liberté. Et donc, autant avant il s'était rapproché du Congrès national indigène, autant avant il s'était rapproché avec un certain nombre de garde-fous, autant maintenant il dénonce le capitaliste et surtout la propriété privée en disant tout ça vient de la propriété privée. Parce qu'à partir du moment où il y a la propriété privée, il y en a toujours pour s'enrichir, il y en a toujours pour prendre le pouvoir, et le père et les fils ils vont s'entretuer pour un morceau de terrain, etc. etc. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est de travailler en commun, pas simplement avec les apatistes, avec tout le monde. Et c'est là où ils remettent les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient fabriqué les caracoles, etc., quelque chose qui était horizontal, mais qui faisait comme ça un système d'ascenseur entre en bas et en haut. Ils disent maintenant, compte tenu du fait qu'il y a des paramilitaires, que c'est très dangereux, il faut que, en fait, l'autonomie, on a appris à la faire pendant 30 ans, on s'est trompé aussi, on va encore se retromper, mais les communautés elles-mêmes, elles sont capables de s'auto-organiser déjà en partant de la communauté. Et donc, c'est le phénomène inverse. La communauté, elle existe, que ce soit des apatistes ou des non-apatistes, à partir du moment où c'est une communauté, c'est à la communauté de se prendre en main et de s'auto-organiser. Donc, c'est ça, la transformation qu'il y a maintenant, c'est que maintenant, ça va partir vraiment des communautés et remonter, enfin, se généraliser, ce qui est plus simple pour se défendre, mais c'est ce qui aussi ouvre à des familles qui n'étaient pas forcément apatistes, y compris à nous, si jamais on avait envie de s'installer là-bas et de proposer quelque chose d'intéressant. Mais c'est vraiment l'idée de mondialiser cette lutte aussi. Je rajoute qu'en 94, ils se sont soulevés, ont pris des terres, les ont occupées et en ont offert une partie à des non-apatistes. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même juste envie de même si à chaque fois ils savent qu'ils se sont trompés et qu'ils recommencent, c'est toujours le même fil conducteur. Ça n'a jamais changé. C'est juste qu'il faut recommencer autrement, ou remettre les choses à plat et se corriger puisqu'on fait des erreurs. 106.3 FPP, c'est toujours la jungle des luttes. On fait une petite pause musicale et on attaquera la fin du débat d'hier. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para desvillevar. En América Latina se suba un barro con casco con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Todos los sometidos, al trileo o al mapo. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Les sapatistes émergent à un moment précis, dans une conjoncture précise, mais avec des rencontres précises aussi. Moi, je ne vais pas continuer là-dessus, je pense qu'il faut retourner sur les prisonniers politiques de Los Xochitlán. Mais il y a des choses qui sont conjointes, on va dire, dans les pensées indigènes, l'épistémologie, en fait, la manière de voir le monde et l'univers dans les peuples indigènes et se retrouve en fait dans les luttes des différents peuples qui sont au Mexique et d'autres pays autour, même dans le monde, mais particulièrement au Mexique, parce qu'il y a une sorte de préservation la communauté, des langues, etc., qui sont assez énormes. Et qu'en fait, on parle de l'émergence. Je ne vais pas partir là-dessus, pardon, je suis en train de repartir sur les sabbatistes. Mais bref, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions sur les prisonniers de Los Xochitlán de Flores Magón ou de sur Miguel en particulier? Sur Oaxaca? Non, mais ça fait. C'est une myriade, c'est ça que je voulais dire, c'est ça qui est compliqué. Enfin, ça veut dire là, en même temps, ce qui est le plus connu, ce que vous pouvez. Qui est plus visible peut-être à l'extérieur quand on parle de politique par rapport au Mexique, c'est les zapatistes, mais il y a énormément de situations différentes. C'est le Chiapas, mais en même temps, ils sont en lien et eux-mêmes sont en lien avec toutes ces luttes qui se passent dans tout le pays. La lutte de... Enfin, nous, par exemple, un certain nombre de gens, voilà, à travers la solidarité avec les zapatistes, on connaît... on a rencontré, on est devenu proche de pas mal de luttes, les luttes contre les aéroports à Tenco, les prisonniers d'Amilcingo, plein de luttes comme ça qui existent là-bas, qui sont très très fortes dans des territoires aussi où les gens ils reprennent leur destin en main, que ce soit dans Michoacán, que ce soit dans différents états. Et ça aussi, quand les compas ils viennent ici, ils voient aussi ce qu'on fait, ils participent aussi. Enfin, je veux dire, quand Miguel il est là, voilà, il est déjà passé par les squats ici ou ailleurs ou d'autres potes. Il y a cet aller-retour aussi, comme à Mexico. À Mexico, des gens qui viennent de communautés indiennes, ils se retrouvent aussi des fois à faire des occupations à la fac, de faire des événements de solidarité. Libertaire, de parler des luttes qu'on fait nous ici en Europe. Voilà, il y a un lien. Et c'est pour dire aussi cette solidarité là qu'on a envie d'avoir ce soir aussi avec eux là-bas, c'est que quand c'est des collectifs auto-organisés, il n'y a pas de moyens, surtout quand c'est pas des ONG, on s'organise à partir des proches qui ont vécu la répression. De leurs amis, des groupes de solidarité, souvent, là pour le cas de Miguel, c'est plutôt des groupes de solidarité anarchistes de Mexico et de son village. Et voilà, on essaie de se. Donc l'argent du concert ou les images du concert, voilà, c'était aussi ce qu'on voulait dire, c'est proposer les gens qui veulent qu'on prenne une photo de solidarité avec là-bas pour leur envoyer, et notamment aux prisonniers. Et l'argent, du coup... Que Miguel, il est exilé, plus prisonnier, justement. Enfin, je sais, pour la situation. Ouais, voilà. Et du coup, parmi... donc, il y a des prisonniers qu'on soutient. Ce pote qui est exilé, là, en ce moment, pour qu'il puisse faire ses démarches, les démarches judiciaires contre la peine de prison qui l'oblige à être réfugié, quoi. Donc voilà, c'est pas mal de... C'est un gros effort parce qu'en fait, il faut faire venir le cas à ce qui s'appelle la Cour suprême de justice de la nation, qui est la même qui a pu décider de la libération des prisonniers d'Atenco, qui étaient condamnés à 30 ans, 60 ans et 110 ans de prison. Donc voilà, on est dans une solidarité un peu internationale. On va voir aussi à la journée des prisonniers politiques en avril aussi si on arrive à pouvoir aider concrètement aussi à ce qu'il y ait les moyens les moyens judiciaires et financiers pour libérer les gens qui sont encore en prison. On doit arrêter à quelle heure déjà ? Là c'est bien, sauf s'il y a des commentaires ou des questions. Du coup, s'il y a une dernière question, un dernier commentaire, et puis après on va clore. Sinon, sur la répression, moi je voulais savoir si elle augmentait ou pas. La répression, les milices et tout ça, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait quelque chose comme ça. La répression, elle prend plusieurs formes, un peu comme celle qu'on a. Non, mais est-ce qu'elle accentue Disons qu'en fait, le niveau de violence et de répression, il est tellement fort que c'est difficile de dire si c'est un. En gros, les gens, ils se font assassiner, ils se font enfermer pour des raisons administratives sans aucun procès ni rien. Ils se font exploiter par des narcotrafiquants et des industriels et autres industriels parce que. Aujourd'hui, les narcotrafiquants font ça de manière industrielle au Mexique. Du coup, en fait, le niveau de répression, il reste ce qu'il est, quoi. En fait, c'est un niveau de mort à plein de niveaux, qu'il soit sur la durée comme immédiat, la torture, des viols, des disparitions. Voilà, en fait, ça fait partie d'une forme étatique de l'État mexicain. Du coup, voilà, la répression est très, très, très, très, très, très, très, très forte. Et on a un peu du mal à voir la sortie de ça. Et c'est pour ça que les différentes initiatives, c'est toujours un chemin un peu vers la lumière, quoi. Enfin, vers un changement social, vers un changement de paradigme. Voilà. Là, il y a des gens qui sont peut-être au bar ou... Je sais pas, je vois pas Véro, mais elle doit être... Occupée en cuisine. Voilà, en cuisine, mais par exemple... qui fait partie du collectif Paris Ayotzinapa, que du coup c'est des collectifs de Mexicains, Mexicaines qui s'organisent pour notamment aider les familles de disparus à rechercher leurs proches. Donc elles, son collectif, ils ont fait beaucoup de travail dans le sens d'accompagnement, de médiatisation au niveau international, de financement des brigades de recherche, d'aide aussi, on a fait venir des fois les parents des disparus d'Ayotzinapa ou ailleurs. C'est une solidarité qui continue encore aujourd'hui. Il y a plein de... la question des disparitions, il y a la question... comme on peut vivre... nous, déjà, en France, on voit ce que ça peut être, le poids de la répression, ça multiplié par 10. Mais après, c'est aussi 10, 100 fois plus de personnes qui s'organisent par rapport à tout ça. Et qui vont au niveau international et qui font des forums et qui arrivent quand même à avancer, et qui arrivent quand même des fois à faire éclater la vérité. On a fait sortir, je pense, dans les différentes actions de solidarité qu'il y a eu, il y a un certain nombre de prisonniers qu'on a soutenus dans les dernières années qui sont sortis, qui ont été libérés, qu'on était allés voir en prison. Il y a des gens qu'on est allés voir en prison, qui ont été libérés, que ce soit Atenco, que ce soit Milcingo, que ce soit le père de Miguel. Donc en fait, cette solidarité, Miguel même, qui est sorti après une grève de la faim, et là ils ont réactivé sa peine. Voilà, parce qu'il y a 5 ans de ça, il y avait une campagne internationale pour sa libération, il avait été libéré, Et ensuite, changement de pouvoir politique, paf, les nouvelles amitiés politiques font que... Voilà, c'est toujours un combat, en fait. C'est toujours un combat, j'ai l'impression, pour faire libérer les gens et pour qu'il y ait que ça soit le plus difficile de tuer quelqu'un ou de faire disparaître quelqu'un, quoi. 106.3 FPP, la jungle des luttes, c'était donc la discussion qu'on a eue hier. On va faire une micro-pause avant que je vous lise le 20e et le dernier donc, texte envoyé par les zapatistes. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travail. Partout je le vois que la nature agonise, les politiciens disent qu'ils trouvent ça horrible, donc ils prennent la pose aux côtés du cas, ils craonnent, puis signent les contrats qui vont raser l'Amazonie. Dans les médias, le journaliste sceptique, face à l'évidence du bordel climatique, quand la quantité de nos déchets plastiques forme un nouveau continent dans l'océan Pacifique. La nature se pollue, mais faut voir ce qu'on y jette, obsolescence est programmée, les métaux rares sont pillés. Donc à 23 ans après, ils s'entassent dans des décharges au Niger. Ils ont privatisé l'eau, ils privatisent les terres. C'est Bayer, Monsanto, c'est Coca, c'est Nestlé. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste, libertaire. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un zadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste. 106.3 FPP, la jungle des luttes, donc 20e et dernière partie, le commun et la non-propriété. Voici déjà quelques années, il y a eu une occasion où les peuples zapatistes s'expliquaient la lutte en tant que femmes que nous sommes, en pointant non pas tant une simple question de volonté, de disposition ou d'étude, que la base matérielle qui a rendu possible ce changement, c'est-à-dire l'indépendance économique des femmes zapatistes. Et elles ne se référaient pas au fait d'avoir un emploi et un salaire, ni même à l'aumône en pièces de monnaie avec laquelle les gouvernements de tout le spectre politique achète, vote et adhésion, et elle désignait le travail collectif comme le terreau fertile pour ce changement. C'est-à-dire que le travail organisé ne visait pas le bien-être individuel, mais celui du groupe. Il ne s'agissait pas seulement de se réunir pour l'artisanat, le commerce, l'élevage du bétail ou les semences et les récoltes du maïs, du café et des légumes, mais aussi et peut-être surtout qu'elles aient leurs propres espaces sans les hommes. Imaginez ce dont en ces temps et en ces lieux elles parlaient et parlent encore entre elles, leurs douleurs, leurs rages, leurs idées, leurs propositions, leurs rêves. Je n'en dirai pas plus à ce propos, les compagneras ont leur propre voix, leur histoire et leur destin. Je le mentionne uniquement parce qu'il reste à savoir sur quelle base matérielle se construira la nouvelle étape décidée par les communautés zapatistes. La nouvelle initiative, comme ceux de l'extérieur, la cataloguerait. Je suis fier de souligner que non seulement, donc ça c'est le sous-commandant Marcos Galeano et aujourd'hui le capitaine qui parle. Je suis fier de souligner que non seulement l'intégralité de la proposition a été le produit dès sa conception du collectif de direction de l'organisation zapatiste de sang indigène de racines mayas dans son ensemble, mais aussi que mon travail s'est limité à fournir l'information que mes chefs et chefs ont croisée avec la leur. Et ensuite à chercher et à argumenter les objections, ainsi que les probables et futurs échecs, la fameuse hypothèse à laquelle j'ai fait référence dans un texte antérieur. Finalement, quand leur délibération fut terminée et qu'ils concrétisèrent l'idée centrale pour la soumettre à la consultation de tous les pueblos, cela m'a surpris autant que vous peut-être qui allez en prendre connaissance à présent. Dans cette autre extrait de l'entrevue avec le sous-commandant insurgé Moïsès, il nous explique de quelle façon ils en sont arrivés à cette idée du commun. Certaines d'entre vous pourront peut-être prendre la mesure du sens profond, rebelle et subversif de ce pourquoi, pour ne pas changer, nous mettons en jeu notre existence. Signé donc le capitaine. Et là, c'est l'entretien qui a été fait, donc c'est les paroles de Moïsès. La non-propriété. Bon, donc, en résumé, ceci est notre proposition. attribuer au commun une partie des terres récupérées, c'est-à-dire sans propriété, ni privée, ni héridale, ni communale, ni fédérale, ni étatique, ni entrepreneuriale, ni rien, une non-propriété de la terre. Comme qui dirait une terre sans papier. Alors sur cette terre que l'on va définir, si on demande à qui est ce terrain ou qui en est le propriétaire, eh bien on va répondre à personne, c'est-à-dire au commun. Si on demande si c'est une terre de zapatistes, d'affiliés à un parti ou de quelqu'un d'autre, eh bien d'aucun d'entre eux, ou de tous, ce qui revient au même. Il n'y a pas de commissaire ou d'agent à acheter, assassiner, faire disparaître. Ce qu'il y a, ce sont des pueblos qui travaillent et prennent soin de ces terres, et qui les défendent. Un point important pour y parvenir est la nécessité d'un accord entre les occupants, peu importe s'ils sont d'un parti ou zapatistes. C'est-à-dire qu'ils doivent parler entre eux, non pas avec les mauvais gouvernements. Rechercher l'autorisation des mauvais gouvernements n'a fait qu'amener des divisions et même des morts entre les paysans eux-mêmes. Alors, en respectant les terres de propriété personnelle, familiale et celles qui sont destinées aux travaux collectifs, on crée sur des terrains récupérés pendant ces années de guerre cette non-propriété. Et on propose de travailler en commun à tour de rôle, peu importe le parti auquel tu adhères, ou ta religion, ou ta couleur, ou ta taille, ou ton genre. Les règles sont simples. Cela doit être un accord entre les habitants d'une région. Ne pas cultiver des drogues, ne pas vendre la terre, ne permettre l'entrée à aucune entreprise ou industrie. Les paramilitaires restent exclus. Le produit du travail de ces terres revient à ceux qui les travaillent pendant le temps convenu. Il n'y a pas d'impôt ni de dîme à payer. Chaque installation construite demeure pour le groupe suivant. On n'emporte que le produit de son travail. Mais nous parlerons plus en détail de tout cela par la suite. Cela, ainsi très résumé, est ce qui fut présenté et objet de consultation auprès de tous les pueblos zapatistes. Et il en est ressorti que l'immense majorité fut d'accord. Et aussi que dans certaines régions zapatistes, cela se faisait déjà depuis des années. Et nous, ce que nous avons fait, ce fut donc de proposer un chemin pour pouvoir traverser la tempête et arriver sains et saufs de l'autre côté. Et de ne pas faire ce chemin seul en tant que zapatistes, mais bien ensemble en tant que peuple originaire que nous sommes. Évidemment, sur la base de cette proposition, en surgiront d'autres. Concernant la santé, l'éducation, la justice, le gouvernement, la vie. Disons que nous voyons cela comme nécessaire pour pouvoir affronter la tempête. Penser le chemin et le pas. Comment cela est arrivé dans notre tête? Bon, eh bien je te raconte. Nous avons vu plusieurs choses. C'est-à-dire que cette idée n'a pas surgi en une seule fois. Elle nous est venue en plusieurs parties qui se sont rassemblées en quelque sorte, et puis nous les avons vues dans leur ensemble. L'une donc fut la tempête, tout ce qui se réfère au mécontentement de la nature, sa façon de protester chaque fois plus forte et chaque fois plus terrible. Parce que nous disons destruction, mais souvent ce qui se passe c'est que la nature récupère une place quelque part, ou qu'elle attaque les invasions du système, les barrages par exemple, des lieux touristiques par exemple qui sont construits sur la mort des côtes, des méga-projets qui blessent, qui nuisent à la terre. Et alors, eh bien, il y a une réponse. Parfois la terre répond rapidement, parfois elle prend du temps. Et l'être humain, bon, ce que le système a fait avec l'être humain, c'est qu'il est comme hébété, il ne réagit pas. Bien qu'il voit arriver le malheur, qu'il y ait des avertissements, des alertes, eh bien il continue comme si de rien n'était, et bon, arrive ce qui arrive. On dit que tel malheur fut une surprise, mais il se trouve que cela fait plusieurs années qu'on avertit. La destruction de la nature va passer, encaisser son dû. Ce n'est pas nous, mais la science qui l'analyse et le démontre. Nous, eh bien, comme gens de la terre, nous le voyons. Tout est inutile. Le malheur n'apparaît pas tout à coup chez toi. Non, il s'approche d'abord, il fait du bruit pour que tu saches qu'il arrive, il frappe à ta porte, il casse tout. Pas seulement ta maison, tes proches, ta vie, mais aussi ton cœur. Tu n'es plus tranquille. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle la décomposition sociale, ou qu'on dit le tissu social se défait à cause de la violence. En d'autres termes, les relations entre une communauté de personnes se font grâce à certaines règles ou normes ou accords, comme nous disons nous. Parfois on fait des lois écrites et parfois il n'y a rien d'écrit. Mais de toute façon les gens le savent. Dans beaucoup de communautés, on dit acte d'accord. C'est-à-dire qu'on met cela en mots. Cela peut se faire, cela ne peut pas se faire, cela doit se faire, et ainsi de suite. Par exemple, celui ou celle qui travaille avance. Que celui ou celle qui ne travaille pas se retrouve dans la merde. Que c'est mal d'obliger quelqu'un de faire ce qu'elle ne veut pas. Par exemple, dans le cas des hommes contre les femmes. Que c'est mal de violenter les faibles, que c'est mal de tuer, de voler, de violer. Mais que se passe-t-il si c'est à l'inverse? Si on récompense la méchanceté et qu'on poursuit et punit la bonté. Par exemple, un paysan indigène qui voit la destruction d'un bois est mauvaise, se convertit alors en son gardien. Il protège donc le bois de qui le détruit pour en tirer des bénéfices. Cette chose de défendre, c'est un bien. Parce que ce frère ou cette sœur prennent soin de la vie. Cela est humain, ce n'est pas lié à une religion. Mais il arrive que ce gardien soit poursuivi, emprisonné et bien souvent assassiné. Et si on demande pour quel délit on l'a tué, et qu'on entend que son délit fut de défendre la vie, comme dans le cas de notre frère Samir Flores Soberanes, alors on voit bien que le système est malade, qu'il n'y a plus de solution et qu'il faut chercher ailleurs. De quoi a-t-on besoin pour se rendre compte de cette maladie, de ce pourrissement de l'humanité? On n'a pas besoin d'une religion, d'une science ou d'une idéologie. Il suffit de regarder, écouter, sentir. Et puis, eh bien, nous voyons que pour les grands patrons, les capitalistes, ce qui arrivera demain n'a plus d'importance. Ils veulent gagner de l'argent aujourd'hui, le plus possible et le plus rapidement possible. Peu importe que tu le dises, écoute, mais ce que tu fais, ça détruit la destruction, ça répand, grandit, devient contrôlable et revient vers toi. C'est comme si tu crachais vers le haut et que tu pissais contre le vent. Ça te retombe dessus, quoi. Et tu peux penser que c'est une bonne chose que le malheur emporte une canaille avec lui. Mais il se trouve qu'avant ça, il emporte un bon nombre de gens qui ne savent même pas pourquoi, comme les enfants, par exemple. Qu'est-ce qu'un enfant peut bien savoir sur les religions, les idéologies, les partis politiques ou quoi que ce soit? Mais le système rend ses petits responsables, il les fait payer. On détruit en leur nom, on tue en leur nom, on ment en leur nom. On leur lègue la mort et la destruction. Il semble donc pas que ça va s'améliorer. Nous savons que ça va s'empirer et que de toute façon, nous devons traverser la tempête et arriver de l'autre côté, survivre. Autre chose est ce que nous avons vu pendant la traversée pour la vie. Ce qu'il y a dans ces endroits qui sont supposés être plus avancés, plus développés, comme on dit, nous avons vu que c'est un mensonge, tout ce truc de la civilisation occidentale, du progrès et tout ça. Nous avons vu tout ce qui est nécessaire. Nous avons vu que tout ce qui est nécessaire pour les guerres et les crimes était là. Nous avons vraiment vu deux choses. L'une est vers où s'achemine la tempête si nous ne faisons rien. L'autre est que d'autres rébellions organisées sont en train de se construire dans ces géographies. C'est-à-dire que ces personnes voient la même chose que nous, c'est-à-dire la tempête. Grâce à ces peuples frères, nous avons pu amplifier notre regard, le rendre plus large. C'est-à-dire pas seulement voir plus loin, mais aussi plus de choses, plus de monde, quoi. Alors nous, en tant que peuple indigène que nous sommes, eh bien, nous nous demandons ce que nous faisons, si c'est foutu, si c'est chacun pour soi. Mais nous voyons ces frères-là, genre, qui s'en foutent de ce qui arrive aux autres, qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, eh bien, de toute façon, ils y ont droit aussi. Ils se croient à l'abri, enfermés en eux-mêmes, mais c'est en vain. Le chemin de la mémoire. Et alors, nous pensons, nous nous rappelons comment c'était avant. Nous parlons à nos prédécesseurs, nous leur demandons si avant c'était comme ça. Nous leur demandons de nous dire s'il y a toujours eu de l'obscurité, la mort, la destruction. D'où est donc venue cette idée du monde? Comment est-ce que tout a foiré? Nous pensons que si nous savons quand et comment s'est perdue la lumière, la bonne pensée, le juste savoir de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, alors nous pourrons peut-être les retrouver et avec ça lutter pour que tout redevienne juste, comme il se doit, en respectant la vie. Et alors nous avons vu comment cela est arrivé, et nous avons vu que c'est arrivé avec la propriété privée, et qu'il ne s'agit pas de changer le nom et de dire qu'il y a la propriété héritale ou la petite propriété ou la propriété fédérale, parce que dans tous les cas c'est le mauvais gouvernement qui donne les papiers, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui dit si quelque chose existe, et avec ses manigances que ça cesse d'exister, comme il l'a fait avec la réforme de Salinas Gortari et avec les coups portés à la propriété communale qui n'existait que si elle était enregistrée et que, avec les mêmes lois, on a réduite jusqu'à la faire disparaître. Et la propriété communale, disons enregistrée, eh bien elle provoque aussi des divisions et des affrontements, parce que ces terres appartiennent légalement à quelques-uns, mais contre des autres. Les papiers et la propriété ne disent pas « ceci est à toi », ce qu'ils disent c'est « ceci n'est pas à celui-là et attaque-le ». Et je vais passer cette petite, ce petit passage-là qui raconte qu'effectivement, c'est une façon de mettre les uns et les autres, les de faire en sorte que les personnes se battent pour ce droit d'avoir accès à la propriété, sachant qu'en réalité, la terre est pas, peut pas se vendre et se revendre comme ce qu'est le cas actuellement. Et donc, toujours avec ces histoires de papier, justement. Et donc, le vieux nouveau chemin, puisque du coup, ils savent bien que ces gouvernements sèment la mort. Alors qu'en est-il dans notre histoire de lutte de ce qu'on appelle base matérielle? Bien d'abord, il y a eu l'alimentation avec la récupération des terres, qui était aux mains des grands propriétaires terriens, l'alimentation s'est améliorée. La faim a cessé d'être invitée dans nos maisons. Ensuite, avec l'autonomie et le soutien de gens qui sont des bonnes personnes, comme nous disons d'elles, ce fut le tour de la santé. Là, ce fut, et c'est très important, le soutien des docteurs fraternels, comme nous les appelons. Parce qu'ils sont comme nos frères qui nous aident, et pas seulement pour les maladies graves, mais également et surtout dans la préparation, c'est-à-dire dans le savoir lié à la santé. Ensuite, l'éducation. Ensuite, le travail de la terre. Ensuite, ce qui concerne le gouvernement et l'administration des propres pueblos zapatistes. Ensuite, ce qui concerne le gouvernement et la coexistence pacifique avec ceux qui ne sont pas zapatistes. La base matérielle de tout cela, c'est-à-dire la forme production, est la coexistence du travail individuel familial et du travail collectif. Le travail collectif a permis aux compañeras de décoller et de participer à l'autonomie. Disons que les 10 premières années d'autonomie, c'est-à-dire du soulèvement à la naissance des conseils de bon gouvernement en 2003, ont été celles de l'apprentissage. Les 10 années suivantes, jusqu'en 2013, elles permirent d'apprendre l'importance de la relève générationnelle. Les années de 2013 à aujourd'hui ont été celles de la constatation, de la critique, de l'autocritique des erreurs fonctionnelles, administratives et éthiques. Concernant ce qui vient à présent, nous aurons une étape d'apprentissage et de réajustement. C'est-à-dire que nous ferons beaucoup d'erreurs et que nous aurons beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de manuel ou de livre qui te disent comment le faire. Nous tomberons souvent, certes, mais nous nous relèverons encore et encore pour continuer à cheminer. Bref, nous sommes zapatistes. La base matérielle ou de production de cette étape va être une combinaison du travail individuel familial, du collectif et de cette chose nouvelle que nous appelons « travail en commun » ou « non-propriété ». Le travail individuel familial se base sur la petite propriété individuelle. Une personne et sa famille travaillent leur lopin de terre, leur petite boutique, leurs moyens de locomotion, leur bétail. Le gain ou le bénéfice revient à cette famille. Le travail collectif repose sur l'accord entre compañeras et ou compañeros pour effectuer des travaux sur des terres collectives. On répartit les travaux selon le temps, la capacité et la disposition. Le gain ou bénéfice est pour le collectif. On l'utilise généralement pour les fêtes, les mobilisations, l'acquisition de matériel de santé, la formation des promoteurs de santé et d'éducation, et pour les déplacements et les frais de fonctionnement des autorités et des commissions autonomes. Le travail commun commence maintenant, par la possession de la terre. Une partie des terres récupérées est déclarée pour le travail commun, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morcelée, qu'elle n'est pas la propriété de personne, qu'elle n'est ni petite, ni moyenne, ni grande propriété. Cette terre n'est à personne. Elle n'a pas de propriétaire, et en accord avec les communautés proches, on se prête mutuellement cette terre pour la travailler. On ne peut ni la vendre ni l'acheter. On ne peut pas l'utiliser pour la production, le transfert ou la consommation de stupéfiants. Le travail se fait à tour de rôle en accord avec les gouvernements autonomes et les non-zapatistes. Les bénéfices ou le gain revient à celles et ceux qui travaillent, mais la propriété n'en est pas une. C'est une non-propriété qu'on utilise en commun. Peu importe si tu es zapatiste affilié à un parti catholique, évangéliste, presbytérien, athée, brun, jaune, rouge, femme, homme, autre, tu peux travailler la terre en commun avec l'accord des gouvernements autonomes et des assemblées des gouvernements autonomes selon le village, la région ou la zone qui sont ceux qui veillent à ce que les règles d'usage commun soient respectées. Que tout serve au bien commun. Que rien n'aille contre le bien commun. Un partage mondial. Le voyage pour la vie. Quelques hectares de cette non-propriété vont être proposés aux peuples frères d'autres géographies du monde. Nous allons les inviter pour qu'ils viennent et travaillent ces terres avec leurs propres mains et leurs propres savoirs. Que se passe-t-il s'ils ne savent pas travailler la terre? Eh bien, compañeras et compañeros zapatistes leur montreront comment faire et les temps de la terre et comment en prendre soin. Nous croyons qu'il est important de savoir travailler la terre, c'est-à-dire de savoir la respecter. Je ne crois pas que cela nuise à quiconque, que comme, tout comme on étudie et on apprend dans des laboratoires et des centres de recherche, on étudie et on apprenne aussi le travail des champs. Et encore mieux si ces peuples frères ont des savoirs et des façons de travailler la terre et nous apportent ces savoirs et façon de faire. Et ainsi, nous aussi nous apprenons. C'est comme un partage et pas seulement avec des mots, sinon par la pratique. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous expliquer l'exploitation car nous la vivons depuis des siècles, ni qu'on vienne nous dire qu'il faut mourir pour la liberté. Cela, nous le savons et le pratiquons tous les jours depuis des centaines d'années. Ce qui, oui, est bienvenu, c'est le savoir et la pratique pour la vie. Regarde la délégation qui est allée en Europe, a appris beaucoup de choses, mais la chose la plus importante que nous avons apprise, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de groupes, de collectifs, d'organisations qui cherchent la manière de lutter pour la vie. Ils et elles ont d'autres couleurs, d'autres langues, d'autres coutumes, d'autres cultures, d'autres façons de faire, mais ils et elles ont la même chose que nous, c'est le cœur de lutte. Ils ne cherchent pas qui est le meilleur ou qu'on leur donne une place dans le mauvais gouvernement, ils cherchent à soigner le monde. Et oui, ils sont très différents entre eux, mais ils sont pareils. Ou plutôt nous sommes pareils. Parce que nous voulons réellement construire autre chose, et cette chose, c'est la liberté, c'est-à-dire la vie. Et nous, les communautés zapatistes, nous disons que c'est notre famille, toutes ces personnes. Peu importe qu'elles soient très loin. Et dans cette famille, il y a des grandes sœurs, des grands frères, des petites sœurs, des petits frères. Il n'y a personne de meilleur, mais une même famille. Et en tant que famille, nous nous soutenons quand nous pouvons et nous enseignons ce que nous savons. Et tous et toutes sont des gens d'en bas. Pourquoi ? Parce que ceux d'en haut prêchent la mort, parce qu'ils en tirent des bénéfices. Ceux d'en haut veulent que les choses changent, mais pour leur propre bénéfice, même si c'est de pire en pire. C'est pour ça que sont ceux d'en bas qui vont lutter et qui luttent déjà pour la vie. Si le système est un système de mort, alors la lutte pour la vie est la lutte contre les systèmes. On s'arrête là. On va finir avec notre rythme habituel. Vous pouvez nous réécouter la semaine prochaine, jeudi matin de 8h à 9h30 ou sur notre blog. C'était le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, la jungle des luttes. C'est fini, à la semaine prochaine. Mmh.